C'était dans son dossier, dit Laurent d'un ton navré. La colère secouait Pascal, lui donnait envie de hurler. Cependant, elle resta muette, les yeux rivés à la fiche qu'il venait de lui remettre, preuve indiscutable que Nadine Clément était bien la fille d'Abel Montag, militaire de carrière. « Ma mère et Nadine Clément avaient le même père », articula-t-elle enfin d'une voix sifflante. « Elles étaient demi-sœurs. Nadine est donc ma tante. C'est insensé. Nous sommes du même sang, elle et moi, de la même origine. » Benjamin Montag, lorsqu'elle l'avait rencontré, s'était bien gardé de le lui apprendre. Elle s'en souvint avec amertume. « Quelle famille abjecte ! Ma mère avait raison, ce sont des monstres !» Elle se mit à marcher de long en large, agitant la fiche qu'elle tenait toujours. Au bout d'un moment, Laurent murmura. « Tu es très belle en colère. On dirait une panthère noire. » Interrompant ses allées et venues, Pascal le regarda sans le voir. « Tu te rends compte ? Elle a travaillé avec moi, m'a parlé tous les jours pendant des mois en sachant très bien qui je suis. » « En es-tu certaine ? » ?»« Évidemment. Même si Fontanelle est un nom répandu, j'ai tout de même une grande ressemblance physique avec ma mère. Et ça devait la rendre folle de rage. Ce qui explique son antipathie envers moi. Quelle vipère ! « Mon Dieu, Laurent, je ne te remercierai jamais assez pour cette mutation à Albi. Travailler avec Jacques Médéric est une bénédiction. » Pourtant, c'était son patron qui avait semé le doute lorsqu'il avait appelé Nadine « la petite Montag ». L'état civil de cette dernière en tant qu'employée de l'hôpital Purpan était forcément dans les dossiers, et Laurent n'avait eu aucun mal à l'obtenir. « Je te jure, » reprit Pascal, « j'ai l'impression que je n'en finirai jamais de découvrir des choses, toutes plus horribles les unes que les autres. En m'installant à Pérol, je ne savais pas dans quel cauchemar j'allais entrer, sinon... Tu serais resté à Paris ? » Avant de répondre, Pascal prit le temps de réfléchir à la question. « Non. Je serais venu malgré tout. Je suis né ici, j'ai le droit d'y être. Mais ce ne sont pas mes racines que je retrouve. En fait, je déterre tout un écheveau diabolique. Moi qui me croyais en terrain familier, je suis servi. On imagine connaître les siens, on se voit raconter un jour à ses enfants l'histoire de la famille... Et tout ce qu'on sait n'est qu'un tissu de secrets, de non-dits, de mensonges. » Un peu calmée, elle revint s'asseoir près de Laurent, qui continuait à lui sourire gentiment. Avec l'arrivée du printemps, le jardin d'hiver était redevenu sa pièce favorite, d'autant plus qu'Aurore, quelques jours plus tôt, avait déniché dans une braderie de gros coussins rouges et jaunes, qui rendaient bien plus confortables les fauteuils de rotin. Au-delà des vitres qui les entouraient, les tulipes et les narcisses commençaient à éclore dans les plates-bandes, semant des taches de couleurs vives. « Je dois t'ennuyer avec toutes mes obsessions, » soupira-t-elle. « Pas du tout. C'est un vrai feuilleton, ça m'intéresse énormément. Et puis du moment que ça te touche. » Il prit sa main, la caressa du bout des doigts, remonta sur le poignet, l'avant-bras, jusqu'à ce qu'elle tressaille. « Avec cette véranda, » dit-il à voix basse, « on a l'impression d'être au milieu du parc, et moi je te ferai volontiers l'amour dans la nature. » Elle se laissa embrasser, mais lorsqu'il souleva son pull, elle l'arrêta. « Non, Laurent, pas maintenant. » Sans manifester de contrariété, il s'écarta un peu d'elle. « Désolée, je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à Nadine, à ma mère, à Julia. Tu la rencontres samedi ?»« Oui, et franchement, ça me rend malade d'avance. » L'avis favorable de l'équipe médicale et du conseil administratif qui gérait le sort de Julia était enfin arrivé, prenant Pascal de court. Autant elle avait désiré faire la connaissance de sa demi-sœur, autant l'imminence de l'échéance la paniquait. Ce rendez-vous, fixé dans l'établissement où résidait Julia, lui semblait soudain presque au-dessus de ses forces. « Veux-tu que je t'accompagne ?» Pascal secoua la tête en signe de refus. Elle n'avait aucune idée de l'état dans lequel elle serait en sortant et ne tenait pas à faire une crise de larmes sur l'épaule de Laurent. Il était pourtant gentil, très gentil, trop gentil. Trop présent aussi, trop concerné par tout ce qu'elle faisait. Parfois, elle se croyait amoureuse de lui, surtout quand ils étaient au lit, car leur entente physique avait quelque chose d'exceptionnel. Et à d'autres moments, elle pensait le contraire, ce qui la mettait très mal à l'aise. Bien sûr, elle se réjouissait dès qu'ils devaient passer une soirée ensemble, appréciait beaucoup sa manière attentive d'écouter, mais il manquait quelque chose à cet homme et elle ne savait pas quoi. « Je t'appellerai pour te raconter, promis. » « En attendant, » proposa-t-il, « on va sortir dîner. J'ai réservé à l'esprit du vin. Il semblerait que ce soit l'une des meilleures adresses d'Albi. » Elle acquiesça en souriant, alors que l'idée ne la réjouissait qu'à moitié. Ses préoccupations l'empêchaient-elles de profiter des bons moments ? Laurent était amateur de grands restaurants, et depuis que Pascal avait quitté Purpan, il n'hésitait pas à se montrer partout avec elle, heureux de lui faire découvrir ses chefs favoris. C'est juste en contrebas de la cathédrale, dans une ancienne dépendance du palais de la Berbie, avec une salle à manger voûtée. Tu as faim ? Pas vraiment, avoua-t-elle. D'accord, mais l'appétit vient en mangeant, et ça te fera oublier tes soucis. Sans doute voulait-il la distraire, et elle n'avait aucune raison de gâcher leur soirée. Néanmoins, l'insistance de Laurent l'agaça. « Je vais me changer, » décida-t-elle. « Je reviens tout de suite. Sers-toi quelque chose à boire, si tu veux. » Elle avait envie d'être seule 5 minutes pour mettre de l'ordre dans ses idées. Que lui arrivait-il donc ? Était-ce uniquement la perspective de sa rencontre avec Julia qui la perturbait ? Ou bien devinait-elle que Laurent n'allait plus tarder à lui parler d'avenir ? Lorsqu'il restait à Pérols pour la nuit, au moment de s'endormir, il prononçait souvent des serments d'amour définitifs, le genre de déclaration qu'elle ne voulait pas entendre. Pas encore, en tout cas, ou peut-être pas de lui, et qui la faisait fuir à l'autre bout du lit au lieu de rester dans ses bras. Nerveuse, elle grimpa jusqu'à sa salle de bain où elle s'enferma. Devant la glace, elle se détailla sans indulgence. 33 ans bientôt, déjà des rides au coin des yeux. Machinalement, elle se remaquilla en posant un nuage de poudre, un peu de blush sur les pommettes, une touche de mascara sur les cils. « Tu fais tout pour lui plaire, ma vieille. » « Lui plaire, oui, le séduire, voir s'allumer un désir qu'elle partageait, mais pas se l'attacher pour la vie. Pourtant, ce serait le moment. N'attends pas la quarantaine. » De là à s'imaginer mariée avec Laurent, il existait cependant un gouffre. « Il va te le demander, j'en suis sûre. Bien beau s'il ne te fait pas le coup de la bague surprise, il en serait capable. Et tu vas lui dire quoi ? Que tu as besoin de temps pour y réfléchir ? Ah, c'est flatteur. » Elle déposa une goutte de parfum derrière chaque oreille, tout en se taxant d'incohérence. Désirait-elle maintenir Laurent dans le rôle de l'amant épisodique, avec qui prendre du bon temps et rien de plus ? C'est l'homme idéal. Pourquoi refuserais-tu de t'engager ? Sur le point de sortir, la main sur la poignée de la porte, elle se figea, frappée par une évidence qui venait de s'abattre sur elle avec la force d'une gifle. Quelle étrange découverte ! La raison de ses réticences et de ses doutes s'appelait Samuel. Car épouser Laurent reviendrait à perdre Sam pour toujours, sa tendresse comme sa complicité. Et ça, elle n'y était pas prête. Elle se retourna vers la glace, contempla son reflet. Samuel, vraiment ? Non, impossible. C'était une fausse impression, probablement due au désarroi. Elle était très vulnérable ces jours-ci, et le resterait tant qu'elle n'aurait pas vu Julia. Sam était son rempart, il l'avait toujours été, mais elle devait s'en affranchir, ou bien elle allait tout gâcher. D'un geste résolu, elle ouvrit la porte, soudain pressée de rejoindre Laurent.